L'aventure du lieutenant Yargunov par Ivan Tourguenieff. Chapitre 1er. Ce soir-là, le lieutenant Yargunov nous raconta de nouveau son aventure. Il la redisait exactement une fois par mois, et nous l'écoutions chaque fois avec un nouveau plaisir, bien que nous en sussions presque par cœur tous les détails. Ces détails avaient successivement poussé, pour ainsi dire, autour de la tige primitive de l'histoire comme des champignons autour d'un tronc d'arbre coupé. Le caractère de notre narrateur nous était trop connu pour que nous eussions la moindre difficulté à combler ses omissions et ses lacunes. Mais depuis ce temps, le lieutenant est mort et personne ne reste pour raconter son aventure. C'est pourquoi nous nous décidons à la porter à la connaissance de tous. Elle s'était passée dans la jeunesse du lieutenant, il y a de cela une quarantaine d'années. Lui-même disait, en parlant de sa propre personne, qu'il était alors un élégant et beau garçon, qu'il avait un de ces visages qu'on appelle en russe sans élève, des lèvres vermeilles, des cheveux frisés et des yeux de faucon. Nous le croyons sur parole, bien que ne trouvons plus en lui rien de semblable. Le lieutenant nous paraissait un homme d'un extérieur fort ordinaire. Son visage était vulgaire et comme endormi, son corps lourd et mal fait. Mais il ne faut pas oublier que nulle beauté ne résiste aux années. Les restes de l'élégance étaient mieux conservés chez le lieutenant, et il portait encore dans sa vieillesse des pantalons très étroits avec des sous-pieds. Il sanglait sa taille épaisse, se frisait le toupet, et se coloriait les moustaches avec une certaine teinture persane, qui de reste avait plutôt des reflets rouges ou verts que noirs. À tout prendre, le lieutenant était un gentilhomme très estimable, bien qu'en jouant au whist, il aimât à glisser dans le jeu du voisin son petit œil gris. Mais il faisait cela moins par amour du gain que par esprit d'économie, car il n'aimait pas à perdre inutilement son argent. C'est assez parlé du lieutenant, venons à son histoire. C'était dans la ville encore toute neuve alors de Nikolaïev, on était au printemps. Monsieur Yargunov, qui avait le grade de lieutenant dans la flotte, venait d'y être envoyé pour remplir une mission du gouvernement. On lui avait confié, comme un officier solide et circonspect, la direction de certaines constructions maritimes. On lui remettait fréquemment des sommes assez considérables que, pour plus de sûreté, il portait constamment dans une ceinture de cuir bouclée autour de son corps. Le lieutenant Yargunov se distinguait en effet, malgré son jeune âge, par une grande prudence et une grande régularité de conduite. Il évitait avec soin toute action inconvenante. Il ne touchait point aux cartes à cette époque, ne buvait pas de vin, et fuyait même toute société, de sorte que parmi ses camarades, il avait mérité près des bons sujets le surnom de jeune fille, tandis que les tapageurs lui donnaient le sobriquet de bonnet de nuit. Le lieutenant n'avait qu'une seule faiblesse, son cœur était trop sensible au charme du beau sexe. Mais de ce côté même, il savait résister aux élans de la passion, et se gardait bien de ce qu'il eût appelé déroger. Il se levait et se couchait de bonne heure, remplissait ponctuellement ses devoirs, et n'avait d'autre distraction qu'une longue promenade du soir dans les quartiers éloignés de Nikolaïev. Il ne lisait jamais de livres, craignant l'afflux du sang au cerveau, et même, il était obligé chaque printemps de combattre par certaines décoctions cette pléthore. Ayant mis son uniforme et s'étant bien soigneusement brossé lui-même, notre lieutenant se dirigeait chaque soir vers les jardins fruitiers des faubourgs, dont il suivait à pas compter les longues clôtures en bois. Il s'arrêtait souvent, admirait la belle nature, cueillait une fleur en guise de souvenir et ressentait une certaine satisfaction. Mais il n'éprouvait de plaisir véritable que lorsqu'il rencontrait un petit cupidon, c'est-à-dire quelque jolie bourgeoise qui, portant sur les épaules la mante qu'on appelle chaufferette de l'âme, sur la tête un mouchoir bigarré, et tenant un léger paquet sous son bras nu, se hâtait de rentrer à la maison. Étant, comme il le disait lui-même, d'une complexion sensible mais modeste, le lieutenant n'adressait jamais la parole au petit cupidon. Toutefois, il lui souriait avec affabilité et le suivait longtemps d'un regard caressant, puis il poussait un profond soupir, retournait dans sa chambre avec la même démarche solennelle, s'asseyait devant la fenêtre et se livrait à ses réflexions pendant une demi-heure environ, en fumant avec précaution dans une grande pipe d'écume du tabac horriblement fort, dont lui avait fait cadeau un officier de police allemand, son parrain. Ainsi se passaient les jours, sans tristesse et sans gaieté. Il arriva que, retournant chez lui vers la tombée du jour par une ruelle déserte, le lieutenant entendit tout à coup derrière lui des pas précipités et des mots confus entrecoupés de sanglots. Il se retourna et aperçut une jeune fille d'une vingtaine d'années, dont le visage, fort agréable, était inondé de larmes. Un malheur aussi grand qu'inattendu semblait l'avoir frappée. Elle courait, elle trébuchait, elle se parlait à elle-même, elle agitait les bras en gémissant. Ses blonds cheveux s'étaient dénoués, et son fichu, dans ce temps-là, on ne connaissait ni Mantine ni Burnou, avait glissé de ses épaules et ne tenait plus que par une épingle. La jeune fille était habillée comme une demoiselle, non comme une simple bourgeoise. Yergunov se rangea de côté. Un sentiment de compassion vainquit en lui la crainte constante de déroger. Lorsqu'elle fut arrivée près de lui, il porta poliment la main à la visière de son shako et lui demanda la cause de sa douleur. « En ma qualité de militaire, lui dit-il en portant la main à sa courte épée de marine, puis-je vous venir en aide ?» La jeune fille s'arrêta et, dans le premier moment, ne parut pas comprendre l'offre du lieutenant. Mais aussitôt, et comme enchantée de pouvoir ouvrir son cœur, elle se mit à parler très vite et en assez mauvais russe. « De grâce, monsieur l'officier, commença-t-elle, et sur le champ ses larmes jaillirent de nouveau, coulant goutte à goutte sur ses joues rondes et fraîches. C'est affreux, c'est horrible. Dieu sait ce que c'est. On nous a débalisés. De grâce, la cuisinière a tout emporté, la théière, la cassette, les robes, oui, même les robes, et les bas, et le linge. Oui, et le ridicule de ma tante. Il y avait là, dans un étui, un billet de 25 roubles et 2 cuillères en plaqué, et encore une pelisse, et tout. Je dis cela à monsieur l'officier de police, et monsieur l'officier me répond, « Allez-vous-en, je ne vous crois pas, je ne veux pas vous entendre, vous êtes de la même bande. » Je lui dis, « De grâce, une pelisse. » Et lui de nouveau, « Je ne veux pas vous entendre, hors d'ici. » Et il frappe du pied. « Quelle insulte, monsieur l'officier, hors d'ici, où veut-il que j'aille ?» La jeune fille éclata de réchef en sanglots, et tout à fait éperdue, elle appuya son visage contre le bras du lieutenant. Éperdu à son tour, Yergunov, sans bouger, se bornait à dire « Assez, finissez !» et ne pouvait quitter du regard le cou palpitant de la jeune fille et pleurer. « Permettez, mademoiselle, je vais vous reconduire, » dit-il enfin, en touchant légèrement du doigt son épaule. « Ici, dans la rue, vous le voyez, c'est impossible. Vous m'expliquerez votre chagrin, et certainement, en vrai militaire, je mettrai tous mes soins. » La jeune fille alors releva la tête et parut pour la première fois se rendre compte de ce qu'était le jeune homme qui la tenait, on peut le dire, dans ses bras. Elle rougit, détourna le visage, et tout en continuant à sangloter, elle s'éloigna de quelques pas. Le lieutenant réitéra son offre. La jeune fille lui jeta un regard en dessous à travers les longs cheveux blonds mouillés de larmes qui lui tombaient sur les yeux. À cet endroit du récit, Yergunov ne manquait jamais de nous dire que ce regard l'avait percé comme avec une haleine, et même une fois il essaya de reproduire ce regard. Puis, posant sa main sur le bras que lui offrait le galant lieutenant, ils s'éloignèrent ensemble du côté qui menait, disait-elle, à sa demeure. Yergunov avait eu dans sa vie peu d'occasion de hanter les femmes et, partant, ne savait trop par où commencer l'entretien. Mais sa compagne le tira bientôt d'embarras. Elle se mit à bavarder avec volubilité, tout en essuyant du revers de sa main les larmes qui venaient sans cesse mouiller ses paupières. Au bout de quelques instants, le lieutenant savait qu'elle se nommait Émilie Karlovna, qu'elle était native de Riga, qu'elle était venue à Nikolaïev en visite chez sa tante, qui était aussi native de Riga, que son père à elle avait été militaire, qu'il était mort de la poitrine, que sa tante avait pris une cuisinière russe, très bonne cuisinière et pas chère, mais sans passeport, et que cette même cuisinière, le jour même, leur avait tout volé, et s'était enfui on ne sait où, qu'il avait fallu aller à la police. Ici, le souvenir de l'insulte reçue lui remint à la mémoire, et de nouveau éclatèrent les sanglots. Le lieutenant fut encore une fois embarrassé de trouver à dire quelque chose de consolant. Mais la jeune fille, chez qui, paraît-il, les impressions venaient et s'en allaient avec la même rapidité, s'interrompit tout à coup pour dire d'une voix calme en étendant la main « Voici notre maison. » Cette maison était une espèce de cabane à demi enfoncée dans la terre avec 4 petites croisées donnant sur la rue. Derrière les vitres, on apercevait la sombre verdure des pots de géranium et à travers l'une des fenêtres arrivait la faible lueur d'une chandelle. La nuit tombait. De la maison même, et haute comme le toit, s'étendait une clôture en bois percée d'une porte bâtarde. La jeune fille s'en approcha, la trouva fermée, agita avec impatience le lourd anneau de fer de l'antique serrure. Des pas traînants se firent entendre derrière la clôture, comme ceux d'une personne chaussée de vieilles pantoufles, et une voix de femme enrouée fit en allemand une question que le lieutenant ne comprit pas. En vrai marin, il n'entendait que le russe. La jeune fille répondit de même en allemand. La porte s'entrebâilla, laissa passer la jeune fille, et se referma brusquement au nez de Yergunov, qui eut le temps néanmoins de distinguer, dans le demi-jour du crépuscule, la figure d'une grosse vieille femme en robe rouge, tenant une lanterne à la main. Frappé de surprise, le lieutenant resta quelque temps immobile, mais bientôt, à l'idée qu'on osait se permettre une telle impolitesse à l'égard d'un officier, il fit brusquement demi-tour et se dirigea vers son logement. À peine avait-il fait 10 pas que la même porte se rouvrit, et la jeune fille, qui avait eu le temps de chuchoter à l'oreille de la vieille, parut sur le seuil et dit à haute voix « Où allez-vous donc, monsieur l'officier? Est-ce que vous n'entrez pas chez nous ?» Yergunov hésita un moment, puis revint sur ses pas. Sa nouvelle connaissance, que nous allons dorénavant nommer Émilie, l'introduisit à travers une petite pièce humide et sombre, dans une chambre assez grande, mais très basse de plafond. Une vaste armoire occupée avec un sofa en toile cirée, l'une des parois. Au-dessus des portes et entre les fenêtres, se voyaient les portraits raillés de 2 archevêques coiffés de la mitre et d'un turc en turban. Des coffres et des cartons à chapeau encombraient les coins de la chambre et entourés de chaises boiteuses, se tenait une table de jeu ouverte, sur laquelle une casquette d'homme était posée près d'un verre de kvass à demi vidé. Sur les talons du lieutenant entra la vieille qu'il avait remarquée près de la porte. C'était une juive d'aspect sordide. Ses petits yeux éraillés jetaient des regards sinistres. Quelques poils gris couvraient sa lèvre épaisse. Émilie la désigna au lieutenant. « Voici, dit-elle, ma petite tante, Madame Fritsch. » Le lieutenant ne put retenir un mouvement de surprise. Mais il crut de son devoir de décliner ses noms et qualités. Madame Fritsch ne lui répondit que par un regard oblique et demanda en russe à sa nièce si elle voulait du thé. « Ah oui, du thé !» s'écria Émilie. « N'est-ce pas, monsieur l'officier, que vous prendrez du thé ?»« Oui, petite tante, apportez-nous un samovar. »« Pourquoi restez-vous debout, monsieur, au lieu de vous asseoir ?»« Mon Dieu, que vous êtes cérémonieux !»« Permettez-moi d'ôter mon châle. » Émilie, pendant qu'elle parlait, tournait la tête de côté et d'autre et donnait de petites secousses à ses épaules. C'est ainsi que font les oiseaux quand ils sont perchés au faîte d'un arbre et que le soleil les éclaire de tous côtés. Le lieutenant prit une chaise et donnant à son maintien la gravité nécessaire, il ouvrit la conversation sur l'affaire du vol, mais Émilie l'interrompit aussitôt. « Ne prenez pas cette peine, dit-elle, ce n'est plus rien. Ma tante vient de m'apprendre que les principaux objets sont retrouvés. » Ici, Madame Fritsch murmura quelques mots dans sa barbe et quitta la chambre. Il n'était pas même besoin d'aller à la police. « Mais je ne puis jamais me retenir, je suis... Vous ne comprenez pas l'allemand, je suis si rapide. Regardez-moi, je n'y pense plus du tout. » Le lieutenant leva les yeux sur Émilie. Son visage, en effet, avait repris l'expression de l'insouciance. Tout souriait dans ce gentil visage, tout. Les yeux entourés de longs cils cendrés, la bouche, les joues, le menton, jusqu'à la fossette du menton, jusqu'au bout du petit nez retroussé. Elle s'approcha d'un miroir ébréché, et tout en chantonnant, tout en clignant les yeux, elle se mit à rattacher sa chevelure. Yergunov suivait avec attention chacun de ses mouvements, car elle lui plaisait beaucoup. « Vous m'excuserez, n'est-ce pas ?» se reprit-elle à dire en minaudant devant son miroir. « De vous avoir ainsi amené chez moi. Cela vous serait-il désagréable ? Que dites-vous là ? Je vous l'ai déjà dit, je suis si rapide. J'agis d'abord et puis je pense, et souvent même je ne pense pas du tout. Comment vous appelez-vous, monsieur l'officier ? Peut-on le savoir ? » Se disant, elle se plaça résolument devant lui en croisant sur sa poitrine ses bras rondelets. « Je m'appelle Yergunov Kouzma Vassiliev, » dit le lieutenant. « Yergou, ah, ce nom ne me va pas. Il est trop difficile à prononcer. Je vais vous appeler Florestan. Nous avons à Riga un monsieur Florestan qui vendait de l'excellent gros de Naples et qui était beau. Pas moins que vous. Mais quelle belle taille vous avez. Celle d'un véritable héros russe. J'aime les Russes. Je suis russe moi-même. Oui, je suis russe car mon père était officier. On voulait même lui donner une croix. Mais j'ai les mains plus blanches que les vôtres. » Elle leva ses bras au-dessus de sa tête, agita ses mains pour faire descendre le sang, et les abaissant brusquement. « Voyez, dit-elle, je les lave avec du savon grec parfumé. Sentez un peu. Ah, mais pas de baiser. Ce n'est pas pour cela que je vous les montre. Où servez-vous ? Je sers dans la flotte, au 19e équipage de la mer Noire. Ah, vous êtes marin. Avez-vous un gros traitement ? Non, pas trop. Vous devez être très brave. Je vois cela dans vos yeux. Quels épais sourcils vous avez ? On dit qu'il faut les frotter de suif la nuit pour qu'ils poussent. Mais pourquoi n'avez-vous pas de moustache ? Le règlement ne le permet pas. Fi qu'il est bête, votre règlement. Est-ce un poignard que vous avez là ? C'est une dague. La dague est le signe distinctif du marin. Ah, une dague. Est-elle tranchante ? Voyons un peu. Et fermant les yeux, se mordant les lèvres, elle tira avec effort la lame du fourreau et se l'appliqua par le tranchant sur le nez. Mais elle est bréchée, votre dague, dit-elle. Et pourtant, je puis vous tuer d'un seul coup. Elle menaça le lieutenant, qui fit semblant d'avoir peur et partit d'un grand rire. Elle se mit à rire aussi. Je vous fais grâce, dit-elle en prenant une pose majestueuse. Allons, reprenez votre arme. À propos, quel âge avez-vous ? 25 ans. Et moi 19. Dieu que c'est drôle. Émilie se mit alors à rire avec tant d'abandon qu'elle s'en renversa en arrière. Le lieutenant restait immobile sur sa chaise, ne pouvant détourner ses regards de ce visage frais et rose, tout frémissant de l'éclat de rire. Elle lui plaisait de plus en plus. Émilie s'arrêta tout à coup, et après avoir examiné le lieutenant avec attention, comme si elle le voyait pour la première fois, elle se rapprocha du miroir, tout en chantonnant entre ses dents. C'était son habitude. « Savez-vous chanter, monsieur Florestan ? » demanda-t-elle. « Non, mademoiselle, on ne m'a point appris le chant quand j'étais petit. » « Et jouer de la guitare, pas davantage ?»« Moi, je sais. J'ai une guitare toute incrustée de nacre de perles. Seulement les cordes sont cassées. » « Vous me donnerez bien de quoi les remplacer, monsieur l'officier ? » ?»« Alors je vous chanterai une belle romance allemande, si touchante. » « Et savez-vous danser ?»« Non, c'est impossible. Je vous apprendrai l'écossaise et la valse cosaque. » Tra-la-la-la-la-la. Et Émilie se mit à sauter par la chambre. Voyez quelles jolies bottines je porte. Elles viennent de Varsovie. Mais comment m'appellerez-vous ? Le lieutenant rougit jusqu'aux oreilles. Je vous appellerai l'adorable Émilie. Vous devez m'appeler mein Zuckerpüppchen. Voyons, répétez après moi. Avec le plus grand plaisir, mais je crains que ce ne soit un peu trop difficile pour ma langue. C'est égal, dites mein. Mein, Zucker, Zucker, Püppchen, Püppchen, Püppchen. Non, je ne puis, ça ne peut pas sortir. Si, si, il le faut. Savez-vous ce que cela signifie ? C'est en allemand le mot le plus agréable, demoiselle. Je vous l'expliquerai plus tard, car voici la petite tante qui nous rapporte le samovar. Émilie battit des mains. Petite tante, je prendrai mon thé avec de la crème. Y en a-t-il ? Tais-toi donc. Dit la tante en allemand d'un ton bourru. Le lieutenant resta chez Madame Fritsche jusqu'à la nuit. Depuis son arrivée à Nikolaïev, il n'avait pas encore passé de si agréables soirées. À la vérité, il lui vint plus d'une fois à la tête qu'il ne convenait guère à un officier, à un gentilhomme, de frayer avec des personnes comme la demoiselle de Riga et sa petite tante. Mais Émilie était si jolie, elle babillait si drôlement, elle le regardait avec des yeux si espiègles, qu'il refoula tous ses scrupules pour vivre cette fois à coups des franches, comme le lui conseillait un pauvre de ses amis. Une seule circonstance le troubla quelque peu et lui laissa une impression pénible. Pendant le feu de sa conversation avec Émilie et la tante, la porte de la chambre s'entrebâilla et donna passage à un bras d'homme dont la manche, de couleur sombre, portait 3 petits boutons d'argent et qui déposa sur une chaise un assez gros paquet enveloppé dans une serviette. Les deux dames s'en approchèrent avec empressement pour regarder ce qu'il contenait. « Ce ne sont pas les mêmes cuillères, » s'écria Émilie. Mais la tante la poussa du coude et se hâta d'emporter le paquet, sans même attacher les bouts de la serviette sur l'un desquels le lieutenant crut percevoir une tache rouge, semblable à une tache de sang. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il. « Vous a-t-on rapporté quelques autres des objets volés ?»« Oui, » dit Émilie avec une certaine hésitation. « On a rapporté... » Qui les a trouvés, votre domestique ? Émilie fronça le sourcil. Quel domestique ? Nous n'en avons pas. Un homme, donc ? Jamais aucun homme ne vient chez nous. Permettez, permettez. J'ai parfaitement reconnu la manche d'une Bengarka. Et puis, cette casquette ? Jamais, jamais aucun homme ne vient chez nous, répéta Émilie avec insistance. Qu'avez-vous pu voir ? Vous n'avez rien vu. Cette casquette est à moi. Comment à vous ? À moi. Il m'arrive quelquefois d'aller au bal masqué. En un mot, elle est à moi, cela suffit. Mais alors, qui donc vous a porté ce paquet ? Émilie ne répondit rien et sortit brusquement sur les talons de sa tante. Quelques minutes plus tard, elle rentra seule. Lorsque le lieutenant voulut l'interroger de nouveau, elle le regarda entre les deux yeux, et tandis qu'elle lui disait qu'il était honteux un cavalier de se montrer si curieux, son visage changea, s'assombrit, et bientôt, tirant de la table un vieux jeu de cartes, elle demanda au lieutenant de lui dire sa bonne aventure sur le roi de cœur. Yergunov se mit à rire, prit les cartes, et toutes les pensées de soupçon qu'il pouvait avoir le quittèrent immédiatement. Mais ces mauvaises pensées lui revinrent encore, et dans le courant de la même soirée, il avait même déjà franchi la petite porte s'ouvrant dans la haie sur la rue. Il avait crié, pour la dernière fois, Émilie, « Adieu, Zuckerpüppchen !» lorsqu'un homme de petite taille le frôla brusquement, et la lune, qui jetait un vif éclat, lui fit apercevoir un maigre visage de bohémien, avec des moustaches noires, un nez recourbé et des yeux brillants sous d'épais sourcils. Cet homme se jeta prestement derrière l'angle d'une maison. Toutefois, le lieutenant crut reconnaître, non pas son visage, qu'il n'avait jamais vu, mais la manche aux trois boutons d'argent de sa redingote à brandebourgs. Une sorte d'inquiétude s'éveilla dans l'âme du prudent jeune homme. Rentré à la maison, il n'alluma point, suivant sa constante habitude, sa grande pipe d'écume de mer. Du reste, la rencontre inattendue qu'il avait faite de la charmante Émilie et les heures agréables qu'il venait de passer avec elle pouvaient expliquer l'agitation de ses sentiments.